Sensation, me dépasse, de mon extrême faiblesse. Enfermé dans ma détresse, je veux croire pour un instant à cet amour. Je m'éloigne dans tes yeux, tes regrets en silence, tes sentiments mêlés de sang. Thank you.